An de grâce 1211. Le roi Jean, excommunié, multiplie pillages et forfaitures et prépare une infamie pour se venger du pape Innocent III. En apprenant son funeste dessein, le comte de Huntingdon demande à Guillaume Ducel de l'aider à lui faire obstacle. Chevauchée, bataille, traîtrise, guet-apens, l'expédition multiplie les périls et surprises. Le destin de la chrétienté que Guillaume a entre les mains va-t-il basculer ? Cordoue 1211 de Jean Daillon. La suite des aventures de Guillaume Ducel, un roman publié aux éditions Robert Laffont. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Mais où se trouvent les archives Napoléon ? Tout conservateur patenté vous conduira vers le fonds 400 AP des archives nationales, AP pour archives privées. Du 15e au 20e siècle, ce fonds contient les archives de la famille Bonaparte, avec Napoléon, ses frères, sœurs, Joseph, Lucien, Elisa, Louis, Pauline, ils sont tous là. Elles sont consultables en ligne sur le site des archives nationales. Sublime travail de numérisation où il est bon de se perdre, car c'est toujours un plaisir de se laisser happer par les archives. Charles-Éloi Vial, bonjour. Bonjour. Quand il est question des archives Napoléon, effectivement, j'évoquais les archives Napoléon aux archives nationales, 400 AP, très bien, mais en réalité, ces archives sont partout. Il y en a un peu partout, puisque les archives, comme toujours, un fonctionnaire part à la retraite où il est chassé du pouvoir, il en emmène un petit peu avec lui, il en sème, des collectionneurs d'autographes passent par là, ça se revend, ça se disperse. Donc il y en a dans les fonds publics, il y en a dans les fonds privés, on en retrouve dans les bibliothèques, dans les archives, et à tous les niveaux, que ce soit départemental, communal ou évidemment national. Donc les archives, c'est un peu la chasse, c'est un peu la traque, et c'est aussi le plaisir de l'historien. Le plaisir de l'historien qui nous conduit jusqu'à la Bibliothèque nationale, Charles-Éloi Vial, où vous êtes archiviste, paléographe, conservateur du département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Et justement, dans cette quête des archives, nous évoquons Napoléon sans cesse. Mais sans doute parce que la période est particulière, au sens où Napoléon a marqué de son empreinte concrètement énormément de documents. Oui, alors il y a deux choses à prendre en compte. D'une part, les documents qui ont été produits sous le règne de Napoléon, ses propres archives, c'est ce qui est aux archives nationales qu'on appelle la sous-secrétaire d'État, donc AF4. Et c'est un fonds d'archives extrêmement bien organisé. On connaît le baron Fin, qui était l'archiviste personnel de Napoléon, qui était aussi un de ses secrétaires, et qui avait en charge la gestion des archives personnelles de Napoléon, les archives de la secrétaire d'État, donc en fait le secrétariat général du gouvernement, et les archives des gouvernements révolutionnaires précédents. Donc une sorte, si vous voulez, archives courantes, archives intermédiaires, archives définitives, comme on dit dans le classement archivistique actuel. Donc c'était un système très bien organisé qui sert encore aux historiens puisque le classement a assez peu bougé. Et aussi, de l'autre côté, il y a la passion de Napoléon pour les archives plus historiques. On sait qu'il est venu visiter les archives impériales, donc maintenant archives nationales, qu'il a visité la bibliothèque impériale à plusieurs reprises et lui-même a collectionné les archives de manière très limitée, mais il avait un certain goût pour les archives. Et j'avais retrouvé dans mes recherches, par exemple, une demande de Napoléon en 1804 qui réclame des manuscrits qu'on lui livre dans son bureau et qui sont censés servir à l'établissement de l'étiquette. Donc, arrive d'un coup aux Tuileries plein de manuscrits sur l'Ancien Régime, sur le fonctionnement de la cour de Versailles. On y trouve un état de logement du château, on y trouve les livrets des chasses de Louis XV. Et tout ça lui sert ensuite de réflexion pour organiser la cour. Avec nous également dans le cours de l'histoire, Pierre Branda, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Directeur du patrimoine de la Fondation Napoléon. Pierre Branda, vous avez notamment travaillé sur la maison de l'empereur, l'entourage de Napoléon. Et en écho à ce que vient de dire Charles-Éloi Vial, vous avez constaté vous aussi, au moment où l'Empire se met en place, proclamé en 1804, eh bien il y a cette volonté d'aller voir les documents du passé. Oui, oui, effectivement, Napoléon a voulu connaître intimement le passé à travers les archives, se documenter. Napoléon était quelqu'un qui était toujours à la recherche, en quête d'informations. Donc évidemment, les archives étaient pour lui une source précieuse d'inspiration et ensuite d'organisation, parce que Napoléon cherche toujours à opérer des synthèses entre le passé et le présent, son présent à lui. Et donc, effectivement, les archives témoins du passé lui servent l'appui, appuient sa réflexion et ses décisions. Et effectivement, dans la maison d'empereur, qui était donc l'organisme qui l'entourait, et domestique, officier de cour, et qui, comme ça, organisait sa vie de souverain, hein, à partir de 1804, il a voulu, comme l'a rappelé Charles-Éloi Vial, à la fois s'inspirer de traditions monarchiques, mais aussi créer sa propre organisation, une organisation efficace, assez militaire, il faut le dire, on ne s'en étonnera pas, pour comme ça constituer une institution à sa main, en fait. Une institution à sa main qui nécessite évidemment d'avoir un lieu pour déposer ses archives. Allez, c'est Napoléon qui trône, mais en l'occurrence là, c'est Léon qui trône. Les archives de France, c'est d'abord un cadre grandiose, un cadre historique. Voici l'hôtel des cardinaux de Rohan, qui appartint jusqu'à la Révolution au fameux cardinal de Rohan de l'affaire du palier de la Reine, un homme qui avait ici 14 mètres d'hôtel et 45 valets de chambre. Vous voyez, nous sommes déjà de plein pied dans l'histoire, sinon déjà la grande, du moins déjà la petite. En fait, les archives, c'est le lieu où l'histoire de notre pays demeure vivante, dans un cadre dont on peut dire qu'il est absolument unique au monde. Un cadre que Michelet appelait le saint des saints de l'histoire. Un autre aspect de ces lieux, l'hôtel de Soubise, qui fut commencé en l'an de grâce 1705 par l'architecte de la mer. Les ducs de Rohan étaient en même temps princes de Soubise, comme vous savez. Ils possédaient donc tout cet ensemble de palais. La cour que nous vous montrons est une cour d'un demi-hectare, c'est-à-dire des dimensions à peu près du parvis de Notre-Dame. Elle est très belle et elle est limitée par un péristyle assez insolite dans nos paysages parisiens. C'est presque une transposition italienne au cœur du Marais, avec sa succession de colonnes jumelées hautes d'une douzaine de mètres. En 1958, à la radio-télédiffusion française, Léon Zitrone présentait les archives nationales, donc c'est l'hôtel de Soubise, là où les archives ont longtemps été installées. Elles y sont encore. Maintenant, on les trouve à Pierrefitte. Justement, Charles-Éloi Vial, dans cette construction des archives voulue par Napoléon, quelles sont les ambitions, quelles sont les étapes? D'ailleurs, où veut-il installer ces archives? Il y a eu plusieurs projets. Le premier projet, ça a été déjà de simplement les laisser sur place à l'hôtel Soubise, mais visiblement c'était trop petit et il y avait des travaux importants à faire. Napoléon a d'abord pensé installer les archives aux Tuileries pour les avoir vraiment sous la main, à sa disposition, et il y avait tout un projet visant à faire cohabiter la bibliothèque impériale, les archives impériales, le musée, l'Institut de France. Puis, on se rend compte que les Tuileries ne sont pas extensibles à l'infini, que ça coûterait très cher, et il y a l'idée d'installer à partir de 1812 un palais pour les archives qui aurait été juste en face du palais du roi de Rome, donc ce nouveau palais que Napoléon voulait se faire construire sur la colline de Chaillot. Et juste en face, il y aurait eu une université et un énorme palais pour les archives, dont la première pierre est posée au cours d'une cérémonie. Napoléon n'est pas là, il est à ce moment-là en pleine campagne de Russie. Oui, c'est sûr que nous sommes à un moment où pour Napoléon, la situation devient complexe à partir de la campagne de Russie. Et dans cette volonté de créer un bâtiment pour les archives, vous le savoir, quoi mettre dedans? Pierre Branda, c'est vrai que sur la lecture que nous avons de l'épisode napoléonien, vient souvent cette image de prise de guerre, d'éléments. Alors on pense aux œuvres d'art, bien sûr, qui sont ramenées jusqu'en France. Il y a les archives aussi. Oui, effectivement, Napoléon, alors déjà, comme l'Empire s'étend, par exemple, Rome devient intègre l'Empire français, donc en fait les archives romaines et certaines archives de la papauté doivent devenir impériales, donc françaises. Donc au fur et à mesure que l'Empire grossit, s'étend, les archives également gagnent en consistance. C'est pour il y a aussi d'autres pays, la Hollande, la Belgique, donc du coup à chaque fois cette conquête ça s'accompagne d'une conquête des archives, en effet, avec comme ça cette volonté d'organiser les archives et, comme l'a rappelé Charles-Éloi Vial, de les avoir sous la main, en fait, hein, avec l'intérêt, puis toujours l'intérêt chez Napoléon, cette curiosité, cette soif de connaissance qui ne s'arrête jamais. Donc, il veut tout savoir, tout découvrir, et donc, les archives, pour lui, c'est un véritable paradis. Hein. Napoléon se délecte des documents, se délecte du travail, il l'a dit d'ailleurs, hein, le travail est mon élément, je m'y sens comme chez moi, donc, on travaille à partir de documents, d'archives, et donc, forcément, pour lui, c'était quelque chose d'important, et au-delà, donc, de la France hexagonale, mais pour son grand empire, c'était la même chose. Eh bien voilà, nous avons Napoléon avec cet empire qui s'étend jusqu'à Rome, préfecture d'un département français. Napoléon veut des archives pour consolider son pouvoir, bien sûr, mais soudain surgit dans le cours de l'histoire Galilée. Galileo Galilei, âgé de 70 ans, dénoncé à ce saint office pour ce que tu tenais pour véritable la fausse doctrine que le soleil est le centre du monde et immobile, et que la terre ne l'était pas et se remuait d'un mouvement journalier. Nous disons, prononçons et déclarons que toi, Galileo Galilei, tu t'es rendu envers ce saint office véhémentement suspect d'hérésie. Nous te condamnons à la prison formelle de ce saint office, et pour pénitence salutaire, t'enjoyons de dire 3 ans durant, une fois la semaine, les 7 psaumes de la pénitence. Le procès de Galilée présenté dans la tribune de l'Histoire sur France Culture en 1957. Galilée, son procès, c'est le début du XVIIe siècle. Que vient-il faire dans cette histoire, Charles-Éloi Vial ? Alors, il faut bien voir que les archives, c'est de l'information à l'état brut. Ça peut être les routes, les cartes, les cadastres. Ça peut être des correspondances diplomatiques compromettantes. Donc, ce sont des choses qui sont utiles et que Napoléon ramène dans son empire parce que ça lui donne un pouvoir sur les pays que la France a annexés ou occupe. Mais c'est aussi le contrôle de l'histoire. Le contrôle de l'histoire, justement, parmi les documents qui sont ramenés du Vatican quand Rome est annexée à l'Empire, se trouve le procès de Galilée. Donc, c'est un manuscrit fort ancien, et Napoléon demande à son bibliothécaire Barbier de le publier, d'en faire une publication qui devait servir à ridiculiser l'Église, à taxer l'Église d'obscurantisme. On est en plein dans le conflit entre Napoléon et la papauté, et l'idée d'avoir comme ça une publication qui discréditerait un petit peu le pape et toute l'Église, pour Napoléon c'est quelque chose d'extrêmement utile. Il a le contrôle de l'histoire grâce à ses archives, et d'ailleurs pour lui c'est quelque chose d'assez frappant, parce que dans les documents compromettants qu'il fait revenir et qu'il va voir aux archives en 1810, il y a le procès de Galilée, donc il n'y aura pas cette publication, et il y a aussi l'original de sa propre bulle d'excommunication. Du coup, il détient l'original, il peut le faire disparaître, et faire disparaître aussi, c'est extrêmement compromettant pour lui. Donc, il y a vraiment du pouvoir dans les archives. Ce pouvoir dans les archives est quelque chose qui est perçu par Napoléon. Pierre Branda, il faut rappeler que Napoléon est évidemment un homme de l'écrit, un homme du XVIIIe siècle, et un homme qui est sans cesse porté vers le passé. Il est de cette culture-là. Oui, Napoléon est un grand lecteur d'histoire. Il adore effectivement compulser, lire. Il a beaucoup lu des ouvrages sur l'Antiquité. Ses bibliothèques sont pleines de livres d'histoire. Et donc, pour lui, c'est aussi de la documentation, de l'information sur ces sujets. Et puis, il ne faut pas oublier que Napoléon est un grand communicant. Donc, il veut effectivement... Alors, on ne peut pas aller jusqu'au terme moderne de propagande, mais je préfère plutôt celui de grand communicant. Mais effectivement, comme l'a rappelé Charles-Éloi, il lui faut des pièces, si je puis dire, pour accuser ses ennemis, forger une image, et comme ça développer un discours, mais il le veut solide et argumenté. On parlera sans doute à Sainte-Hélène, ce fut le cas aussi. Napoléon se documente beaucoup pour étayer ses propos. Il ne veut pas discourir dans le vide. Napoléon est quelqu'un qui est rationnel, et donc qui s'appuie sur des documents qu'ils utilisent et qui, bien entendu, parfois n'utilisent que ce qui lui sert, bien entendu, mais tout ça est orienté. En fait, c'est un tout entre sa soif de connaissance et sa volonté et son discours de communicant qui est très moderne, hein, car Napoléon utilise tous les canaux possibles de l'époque, hein, pamphlets, journaux, proclamation, mémoire, tout ce qui est possible pour développer son discours, effectivement déjà changer le cours de l'histoire, hein, puisque nous y sommes. Et évidemment, tout cela pour asseoir son pouvoir. Et faut-il penser que Napoléon a voulu confisquer l'histoire, les archives du monde? Quand Napoléon confisqua l'histoire, c'est l'ouvrage publié par les presses universitaires de France, par Maria Pia Donato, traduit de l'italien par Carole Walter. Est-ce que cette notion de confisquer l'histoire participe un peu du projet global de Napoléon de vouloir créer cet empire? Alors, utilisons le mot universel. Pierre Branda, cette notion de confiscation, qu'en pensez-vous? Avec, alors peut-être, alors le projet n'est probablement pas une confiscation universelle. Napoléon a le projet d'asseoir toujours et encore son pouvoir, sa dynastie surtout, hein, parce que il faut pas oublier que il doit faire oublier quelque part le général républicain pour s'affirmer toujours plus en empereur. Donc c'est une transformation qui n'est pas si évidente que ça. Nous on la voit à 200 ans de distance, mais pour les contemporains, il faut leur faire passer cette idée et qu'ils puissent comme ça affirmer un respect. Et pour cela, il faut pouvoir s'inscrire dans la longue tradition des empereurs romains, de Charlemagne, et de donc, en quelque part, confisquer l'histoire pour l'utiliser et bien montrer que Napoléon est le successeur de ces grandes figures et donc tout à fait légitime pour régner sur son empire et comme ça avoir cette position centrale en Europe aussi, hein, parce que il souhaite que la France soit prépondérante, non pas hégémonique, mais prépondérante en Europe. Or, il lui faut être l'empereur des rois, être le nouveau Charlemagne aussi. Donc, s'il peut construire à travers l'histoire un discours qui légitime cette position, et il le fait, et c'est aussi pour ça qu'en fait, il utilise les archives. Hein. Et puis justement, dans cette volonté d'avoir des archives, Charles-Éloi Vial, il faut réfléchir aussi à la volonté, Pierre Brandat l'a évoqué, d'écarter certaines archives. Napoléon a aussi cette idée d'enlever de tout ce qui peut être dépôt d'archives et même mémoire particulière, les archives qui évoquent son passé de général de la République, ses écrits de jeunesse par exemple. Oui, alors les écrits de jeunesse de Napoléon, ils ont été publiés, on sait où ils sont, ils se trouvent à Florence dans une bibliothèque, mais Napoléon a réussi, semble-t-il, à les récupérer. Il les avait perdus un moment, Talleyrand, semble-t-il, il lui a retrouvés, les lui a rendus, et Napoléon a tout fait pour qu'ils soient gardés, qu'on ne les connaisse pas, parce qu'on y trouve en effet déjà des choses un petit peu immatures, des choses peut-être qui ne reflétaient plus sa pensée politique de l'époque, c'était plutôt le jeune général ou le jacobin, ou alors vraiment le rousseauiste très insouciant, et c'était une partie de sa vie qu'il voulait complètement éliminer. On a l'impression dans sa biographie que sa pensée de 1804-1805, il avait toujours été comme ça, une sorte de personnage un peu immuable, un peu intangible. Et puis justement, au moment de réfléchir aux archives, il faut s'intéresser à la météo. Alors ça tombe bien, la personne qui nous annonce le temps qu'il fait, c'est pas n'importe qui, c'est Victor Hugo. Il neigeait. On était vaincus par sa conquête. Pour la première fois, l'aigle baissait la tête. Sombre jour. L'empereur revenait lentement, laissant derrière lui brûler Moscou fumant. Il neigeait. L'âpre hiver fondait en avalanche. Après la plaine blanche, une autre plaine blanche. On ne connaissait plus les chefs ni le drapeau. Hier, la grande armée, et maintenant, troupeau. On ne distinguait plus les ailes ni le centre. Il neigeait. Il neigeait, lu par André Falcon, l'expiation de Victor Hugo qui nous conduit lors de la campagne de Russie. Et là encore, Charles-Éloi Vial, il y a toute une réflexion à avoir sur la question d'archives et d'archives qu'il faut conserver ou éliminer. Alors oui, pendant la campagne de Russie, Napoléon va perdre une partie de ses archives. Il faut bien voir que Napoléon gouverne où qu'il soit. En campagne, il y a toujours un fourgon de la secrétaire d'État avec dedans le ministre, quelques commis, et Napoléon pouvait ainsi gouverner en restant en lien avec Paris, avec un système d'estafette qui faisait l'aller-retour toutes les semaines ou tous les mois, parce que vraiment la Russie c'est très très loin de Paris. Donc Napoléon part avec une partie de ses archives et en 1812, il a encore reçu des choses, par exemple les budgets préparatoires pour l'année 1813, et simplement il quitte Moscou, il laisse sa carriole avec ses archives avec lui, et il a peur d'être pris par les Cosaques. Il faut alléger l'armée, donc le 20 novembre à Orcha, donc vraiment une petite bourgade où l'empereur a établi son quartier général, il va ordonner d'y mettre le feu. Il met le feu à ses archives parce qu'il ne veut pas qu'elles tombent entre les mains de l'ennemi. Il y a des choses compromettantes sur sa situation financière, les états de ses armées, la correspondance diplomatique la plus récente avec tous les pays alliés. C'est trop important, c'est trop précieux. Il y fait mettre le feu, et pour les historiens actuels, du coup, ça fait de très grosses lacunes dans les archives, parce parce qu'on n'a pas pour ces années. Donc il faut essayer d'aller chercher des copies, des minutes dans d'autres dépôts d'archives. Oui, c'est ça qui était intéressant avec ces archives de la période napoléonienne, c'est qu'il y a une démultiplication de l'archive. Il y a des copies, il y a énormément de réponses, et puis parfois il y a des faux. Pierre Branda, justement, nous évoquions la campagne de Russie, et lors de la campagne de Russie en 1812, nous souvenons que Napoléon signe ce décret sur la Comédie française. Il est à Moscou, donc tout va bien, et là aussi il y a tromperie. Oui, en effet, parce que Napoléon est capable aussi un petit peu de changer les dates et de modifier les choses. En réalité, ces statuts de la Comédie française, que l'on dit datés de Moscou, sont en réalité plutôt parisiens et plus tardifs. Mais Napoléon veut faire croire que même à Moscou, il est capable de s'intéresser à la Comédie française, parce que comme l'a rappelé Charles Éloy, il veut pouvoir gouverner son empire partout où il se trouve, c'est-à-dire y compris s'il est installé au Kremlin, mais surtout le faire croire. Parce que chez Napoléon, il y a toujours cette part de réalité, mais cette part de communicant, et comme ça, de frapper les imaginations. Et d'ailleurs, il a si bien réussi que on continue à dire que les statuts de la Comédie française ont été élaborés à Moscou. En fait, ils ont été un peu plus tard à Paris. Donc, mais Napoléon a changé cela pour le faire croire et continuer de prétendre, ce qui était en grande partie vrai, qu'il arrivait à gouverner son empire partout où il se trouvait, je l'ai dit, mais ceci n'a pas toujours été possible, hein, entre les saisies, les batailles, le rythme de la guerre, il y a bien entendu, et les délais d'acheminement des courriers, hein, entre un jour, deux jours, voire plusieurs, donc tout ça pouvait être beaucoup plus compliqué, mais pour Napoléon, il fallait afficher, si je puis dire, toujours un gouvernement établi, solide, alors même qu'il n'était pas, enfin, il n'a pas été souvent à Paris, hein. Sur 10 ans de règne, il a été en tout et pour tout 3 ans, hein, si on cumule toutes les périodes. Mais il faut affirmer qu'il n'y a aucune vacance de l'État, en fait. Aucune vacance de l'État, avec un empereur qui contrôle tout. Voilà ce que veut imposer Napoléon. Mais ne serions-nous pas victimes, nous aussi, de cette image, au sens où, depuis le début de l'émission, nous parlons de Napoléon, comme s'il faisait tout seul, comme si lui, tout seul, allait chercher les petites archives et les classait dans des cartons pour les ranger. Non, Charles Éloy Vial, Napoléon a su s'entourer d'hommes compétents pour organiser les archives de l'Empire. Celui qui me vient à l'esprit spontanément, c'est le baron Fin, donc qui était le secrétaire archiviste de Napoléon, et on lui doit vraiment tout le classement de cette série AF4. Et justement, vous, Charles Éloy Vial, vous avez Fin, parce que les mémoires de Fin, vous les avez publiées chez Perrin. Oui, et après, je n'ai pas été rassasié d'archives. Et non, donc il y a le baron Fin, il y a un de ses commis qui s'appelait Barry, qui a pris sa retraite seulement en 1839, si je me souviens bien, et qui a donc continué à classer les archives après la chute de l'Empire inlassablement. Il y a d'autres figures qu'on pourrait citer, par exemple, il y a un archiviste qui s'appelait Dautrive, aux archives des affaires étrangères, qui était également un proche de Talleyrand, qui était quelqu'un d'assez intéressant. Il y avait Donou, naturellement, aux archives impériales, qui s'occupait plutôt des archives anciennes, qui s'occupait aussi de rédiger ces brochures historiques, ces livres historiques que l'empereur voulait essayer de faire paraître pour influencer, orienter l'histoire. Et ce qui est amusant, c'est de voir que certains historiens aimeraient travailler sur la Révolution ou même sur le début de l'Empire. Malheureusement, pour ça, il faut accéder aux archives du Louvre et pour ça, il faut demander une autorisation de Fouché. Visiblement, ça les terrifie tous. Donc, il y a assez peu de travaux sur cette période. Fouché, ministre de la Police, effectivement. C'est vrai que c'est intéressant, l'évocation de Fouché, ministre de la Police, révolutionnaire. S'il en est. Et vous avez évoqué, Charles Éloy Vial, ce personnage de Pierre Donou, essentiel dans l'histoire des archives, qui lui aussi est issu de la Révolution. Il y a presque une continuité de réflexion entre ce que fait Napoléon sous l'Empire et ce qui existait déjà sous la Révolution française. Oui, de façon, les hommes sont les mêmes. Ils ont continué à former des générations d'archivistes sous la Révolution. On voit la même chose avec les bibliothécaires. Il y a une génération qui a bien connu l'Ancien Régime, qui a survécu à la Révolution et qui se rend compte qu'il y a une sorte de chaos documentaire qui apparaît avec la Révolution à cause des confiscations, les congrégations religieuses, puis les archives naturellement de l'État royal qui disparaît, qui est remanié, qui doivent être classées, les archives des familles aristocratiques. Tout ça fait un énorme chaos documentaire. Et il faut d'urgence former une nouvelle génération d'archivistes, de bibliothécaires qui est capable de s'y retrouver ne serait-ce qu'un tout petit peu. Donc c'est un moment extrêmement important, c'est le moment où la profession telle qu'on la connaît aujourd'hui s'élabore. avec ces deux directions que nous saisissons bien, c'est-à-dire qu'il y a l'archive, mais de manière efficace, pour faire fonctionner l'État, il faut archiver un document pour vite le retrouver, et puis l'archive, mais avec une lecture beaucoup plus patrimoniale. Comment se construit en fait ces deux grandes directions avec différentes institutions qui existent déjà, donc les archives de l'Empire, la bibliothèque impériale devenue aujourd'hui nationale. En fait, il y a plusieurs voies possibles pour les archives. Il y a plusieurs voies possibles. Donc, il y a les archives qui sont dans le cabinet de l'empereur. Donc, on va dire que ce sont les archives vraiment très courantes, ce que Napoléon a dicté récemment, les documents qu'il a vus le plus récemment possible. Les archives qui sont les archives de la secrétairie d'État, qui sont dans un hôtel particulier en face des Tuileries. Là, c'est vraiment l'année en cours. Et ensuite, il y a les archives qui sont au Louvre, sous la grande galerie de peinture, qui sont les archives de la France, de l'Empire jusqu'en 1792. Ensuite, le reste, ce sont les archives impériales. Après, autrement, il y a des archives partout, bien sûr, dans toutes les sous-préfectures, dans toutes les préfectures, dans toutes les mairies. On retrouve des dépôts d'archives. En général, c'est ou à la cave ou au grenier. Et le problème, c'est sont-elles bien archivées, sont-elles bien inventoriées? Là, c'est encore quelque chose qu'on ne connaît pas très bien. On connaît bien les institutions centrales. Tout ce qui se passe dans les autres administrations, on ne connaît pas encore très bien. Charles Éloi, vous avez publié le 15 août 1811 l'apogée de l'Empire, avec un point d'interrogation, l'apogée de l'Empire. Et justement, dans votre démarche d'historien, vous avez été puisé dans tous les fonds d'archives possibles. Et ce qui est intéressant en travaillant sur ce 15 août 1811, c'est de pouvoir aller en France, donc Paris, les départements et même au-delà. Oui, alors c'était un peu un challenge que je m'étais fixé, c'est justement aller au-delà de ces archives centrales, ce que l'on peut trouver aux archives nationales, essayer de trouver d'autres fonds, d'autres sources que les historiens ne vont pas spontanément voir, principalement parce que c'est pas encore très bien inventorié. Donc typiquement, les archives des communes. Dans les villes, il peut y avoir des fonds d'archives passionnants, mais toutes les villes n'ont pas forcément les moyens d'avoir un archiviste, d'avoir des inventaires complètement à jour. Donc j'ai pris ma plus belle plume et j'ai écrit à peu près tous les centres d'archives communales et départementales de France. Et j'ai eu quand même pas mal de réponses. J'ai eu environ 10% de réponses. Donc sur plusieurs centaines de mails, ça faisait un assez bon échantillonnage. Ça m'a permis de couvrir une soixantaine de départements sur les 130 de l'Empire et de voir quelle était la situation de l'opinion publique, de l'économie, la situation sociale, tout ça à un jour précis, donc le 15 août qui était le jour de la Saint-Napoléon, l'anniversaire de l'empereur et le fameux jour où à Paris, Napoléon enguirlande l'ambassadeur de Russie et cela amorce les préparatifs de la guerre. Donc vraiment un jour où l'Empire est sur le fil du rasoir. L'Empire sur le fil de rasoir l'est réellement. Le 18 juin 1815, c'est la bataille de Waterloo. Napoléon est défait. 1815, moment intéressant. Que va-t-on faire de toutes ces choses qui ont été ramenées en France? Allez, nous suivons les cours du Collège de France avec Bénédicte Savoie. Nous gagnons le Collège de France le 15 mars 2019 pour le cours de Bénédicte Savoie. Aujourd'hui, droit et morale. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bienvenue à cette quatrième séance de notre cours intitulé cette année, 1815, année zéro, l'Europe à l'heure des restitutions d'œuvres d'art. Lors du dernier cours, qui s'intitulait « À chacun son universel », nous avons posé la question du terme même de musée universel. Nous avons constaté que c'était plutôt une invention du début du 21e siècle, de notre siècle, mais que ça ne voulait pas dire qu'autour de 1800, le terme d'universalité n'avait pas été utilisé. Nous avions constaté que se posait la question s'il fallait désormais en Europe réunir les plus belles peintures dans une seule galerie ou les redistribuer selon leur origine et leur destination, avec la question donc du lieu du musée. Oui à l'idée de grand musée, mais non à l'idée d'un seul musée central à Paris. On voit combien cet universalisme à la française est aussi un universalisme très égocentré et qui ne se rend pratiquement pas compte, pour exagérer un peu, de son ridicule. Bénédicte Savoie, historienne de l'art, lors de son cours au Collège de France, des cours au Collège de France que l'on peut écouter tous les matins sur France Culture ou en podcast ou sur l'application Radio France. Ce sont les cours du Collège de France par Meryl Monet-Guettis. Toujours un véritable plaisir de suivre ces cours du Collège de France. En 1815, Napoléon est défait. Il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène. Pierre Branda, mais toutes ces choses qu'il avait pu ramener, que vont-elles devenir? Nous avons bien entendu avec Bénédicte Savoie, il n'y a pas la volonté de cumuler l'ensemble des richesses en France, mais pourtant il y en a déjà beaucoup. Pierre Branda. Que va-t-on faire de toutes ces archives? Oui. Voilà, excusez-moi, ça a tout petit peu coupé. Vous disiez Xavier Mauduit. Je disais donc ces archives de France qui ont été ramenées de Rome, d'ailleurs, de tous les départements qui étaient français, qui ne le sont plus après la chute de l'Empire. Que deviennent-elles? Il y a une circulation d'archives en Europe en 1815? C'est-à-dire il y a des demandes effectivement de restitution et il y a comme ça une volonté de reprendre. D'ailleurs, c'est aussi le cas pour les objets d'art. On veut toute l'Europe veut reprendre ce qui lui appartient d'ailleurs, hein, avec cette circulation, en fait, ces demandes de restitution et ces renvois effectivement d'archives. Donc j'ai pas tous les détails, mais effectivement c'est il y a à ce moment-là une déconcentration de tout ça, en fait. Et justement, à ce moment-là, nous sommes en 1815, nous avons toute une construction qui se fait, Pierre Branda, autour de la figure même de Napoléon. Napoléon reste un personnage essentiel au sens où il a marqué la France, l'Europe et les esprits pendant si longtemps. Nous pouvons parler de son omniprésence, même si il est exilé encore à Sainte-Hélène. Oui, tout à fait. Avec Napoléon, en fait, reste très présent dans le débat public, l'espace, dans les journaux, enfin notamment en Angleterre, où le nom de Napoléon est autant cité que sous son règne, en fait, parce que son exil à Sainte-Hélène fait parler, et Napoléon lui-même essaie d'intervenir dans le débat. On l'ignore, mais en fait, il a réussi à publier des pamphlets, des livres à Londres sous anonymat, grâce à des complicités clandestines anglaises à Sainte-Hélène. Donc, en fait, il essaie encore, il est encore présent, même relégué au bout du monde. Il continue à parler, ce qui est d'ailleurs, pour les Anglais, un désaveu total, hein, de leur... parce qu'ils avaient envoyé Napoléon à Sainte-Hélène avant tout pour l'oublier, et du coup Napoléon restant dans le débat public, pour eux c'est un désaveu, et non seulement il restera dans le débat public, mais évidemment après sa mort il sera encore plus présent, et car apparaîtra la légende napoléonienne. Pierre Branda, vous êtes l'auteur de Napoléon à Sainte-Hélène, qui paraît chez Perrin, qui paraît cette année, mais ça tombe bien, c'est le bicentenaire de la mort de Napoléon. Oh mais j'ai compris, ça n'est pas grave. France Culture. Vous faites le complexe du bicentenaire. Revenez donc me voir dans 100 jours. Merci beaucoup, docteur. Le cours de l'histoire. Je suis né près des Invalides. Xavier Mauduit. Au matin d'un 18 brumaire, on m'éleva place des pyramides, histoire de me faire changer d'air, comme j'étais de toute première force, en stratégie et petite guerre. Ma maman m'envoya of course préparer l'école militaire. En passant par Sainte-Hélène avec mon chapeau, en passant par Sainte-Hélène avec mon manteau, on m'a dit y'a pas de problème, y'a quelqu'un que tu promènes sur ton dos avec ton manteau. Michel Touret, oui, qui chante en passant par Sainte-Hélène dans le cours de l'histoire sur France Culture. Sainte-Hélène, où Napoléon meurt en 1821. Très peu de temps après, en 1823, paraît un ouvrage essentiel, le manuscrit le manuscrit de Sainte-Hélène, le mémorial de Sainte-Hélène, Pierre Branda. Quelque chose est étonnant là aussi sur ces questions d'archives. La Fondation Napoléon a publié un nouveau mémorial de Sainte-Hélène. Alors le premier date de 1823, succès retentissant. Il a inspiré tous les grands auteurs du 19e, Hugo, Musset et tous les autres. Et que vient-il de se passer avec ce nouveau mémorial de Sainte-Hélène? Eh bien, en fait, quand Ascase est expulsé de Sainte-Hélène fin 1816, les Anglais saisissent son manuscrit, son journal, le futur, ce qui constituera ensuite le futur mémorial. Il ne sera rendu qu'en 1821, à ce moment-là, à la mort de Napoléon. Donc, Ascase réécrit en partie son manuscrit, du moins l'oriente différemment, parce que au départ, il tenait un journal à chaud de la captivité et qui était destiné d'ailleurs à être publié assez rapidement, alors que là, il se retrouve en fait avec un journal qui traite de quelqu'un de disparu, et donc il va vouloir en faire des sortes de mémoires d'outre-tombe, en fait, pour si je puis dire, susciter l'intérêt et garantir un succès littéraire. Il veut en faire des sortes de mémoires d'outre-tombe et dire, voilà, moi j'ai recueilli la dernière parole de l'empereur, j'ai été l'un des derniers témoins, et comme ça je vous livre ces confidences, si je puis dire, pour la postérité, en fabriquant tout un discours comme cela, en rajoutant sans doute une grande partie de phrases qui nous sont restées. Alors les a-t-il inventées, les a-t-il entendues vraiment? Enfin, maintenant le doute est permis. C'est par exemple, quel roman pourtant que ma vie, l'a-t-il dit? On n'en sait rien. En fait, parce que dans le journal de 1800, écrit entre 1815 et 1816, ces phrases n'y figurent pas. Et là, le journal est assez différent parce qu'il est conçu pour défendre Napoléon encore vivant, alors que le mémorial est, lui, conçu pour défendre un Napoléon mort et qui, cette fois-ci, évidemment, s'adresse à la postérité. Alors qu'on peut penser que le mémorial avait été conçu non pas pour libérer Napoléon, mais pour influencer encore l'opinion publique anglaise d'abord et européenne, pour que Napoléon soit ramené de Sainte-Hélène, ou du moins que sa captivité évolue ou change. Donc en fait, il y a vraiment deux mémorials, l'un conçu pour défendre Napoléon du temps de la captivité, et l'autre pour défendre et effectivement créer une légende autour du personnage disparu. Et ça a assuré un succès littéraire pour son auteur, ce qui fut le cas d'ailleurs. Et justement, autour de ces deux mémorials, eh bien, il y a une histoire d'archives. Comment a été découvert, on va dire, le premier, le plus ancien des deux manuscrits? Alors, en fait, il se trouvait à la British Library, dans les archives de Lord Bathurst, qui était le ministre, celui qui était le ministre de la guerre et des colonies, qui était le supérieur d'Hudson Law, le fameux geôlier de Napoléon. Car quand Lascaz a été expulsé, les Anglais, qui ont donc saisi son manuscrit, l'ont recopié. Et un exemplaire est parvenu à Lord Bathurst, qui l'a conservé et qui ensuite l'a versé aux archives britanniques. Et il dormait depuis des siècles, quand en 2005, un historien qui appartient à la Fondation Napoléon, Peter Hicks, le redécouvre, en parle et s'aperçoit qu'il n'a jamais été publié. Et donc comme ça est parti un long travail de copies, de mise en aide, de comparaison aussi avec l'ouvrage publié, le mémorial publié en 1823. Et donc il y a comme ça ce nouveau mémorial, mais qui est en fait l'œuvre originale et pour les historiens, le mémorial à prendre en compte si l'on traite, on parle, on évoque la captivité. Parce que là, à ce moment-là, Lascaz n'a rien rajouté, même si son discours est déjà orienté, bien entendu, mais il est orienté pour le temps de la captivité et non pas pour ce qui suit. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant dans cette réflexion autour des archives laissées par Napoléon et par l'entourage de Napoléon, c'est que c'est innombrable. Il y a quelque chose, Charles-Éloi Vial, de sidérant, au sens où presque tout le monde a voulu dire quelque chose dès qu'il a pu croiser Napoléon. Là, nous entendions l'évocation de Hudson Law, donc le geôlier de Napoléon à Sainte-Hélène. Charles-Éloi Vial, vous êtes conservateur au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Et bien, bing, on retrouve à la Bibliothèque nationale des écrits anglais. Oui, alors c'était une surprise pour moi de découvrir ce fonds quand j'ai pris mon poste il y a quelques années, de voir qu'il y avait toute une série de volumes, 25 volumes de papier venant de Sainte-Hélène, simplement parce que Hudson Law avait voulu écrire ses propres mémoires justificatifs sur la captivité de Napoléon, n'y était pas parvenu, mais du coup il avait gardé ses papiers, il les avait reclassés, et ensuite, à court d'argent, ses héritiers en ont vendu une partie à la France, donc à l'époque du roi Louis-Philippe, juste après le retour des cendres, et Louis-Philippe les a déposés à la bibliothèque, alors à l'époque royale. Il n'y avait pas encore de section des archives privées aux archives nationales, c'est l'endroit le plus logique, et ces archives Hudson Law, qui devaient servir à alimenter la réflexion autour de l'histoire de l'Empire, qui était en pleine construction à ce moment-là, ont rejoint d'autres fonds. Il y a par exemple les archives du grand maréchal du palais du Roc, dont je me suis beaucoup servi, des archives de différents généraux d'Empire, des manuscrits assez célèbres, comme les mémoires de Talleyrand par exemple, avec l'idée que ce n'est pas les archives nationales bien sûr, mais c'est un petit point de la mémoire napoléonienne malgré tout. Oui, parce que cette mémoire napoléonienne est portée de multiples manières et justement, Charles-Éloi Vial, là vous publiez un ouvrage consacré aux 100 jours, l'histoire des 100 jours, mars-novembre 1815. Dans cette mémoire plurielle, l'historien est écrasé par les sources. Oui, il faut savoir délimiter son corpus de sources et il faut aussi savoir, même si ça n'est pas forcément nécessaire, savoir trouver des sources que d'autres personnes n'ont pas encore vues. C'est ce que j'ai essayé de faire pour ce livre, puisque je suis allé beaucoup à l'étranger, c'était avant le Covid. Donc je suis allé voir des sources, notamment en Écosse, où il y avait des archives d'un diplomate qui a été en activité pendant les 100 jours. À Londres également, les archives diplomatiques notamment. Et j'ai également retrouvé, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, des témoignages très postérieurs qui n'avaient pas forcément été exploités, puisqu'on a par exemple les derniers généraux de Waterloo, les derniers aides de camp de Napoléon, ils sont morts vers 1870. Ils ont eu le temps de réfléchir à ce qu'ils avaient fait, ils ont eu le temps de relire les premiers historiens de la période, de les critiquer, de se concerter entre eux, peut-être de mettre au point un discours qui était un petit peu facile, un petit peu falsifié. Mais en tout cas, ils ont laissé des témoignages très tardifs et c'est assez intéressant de confronter, par exemple, la même version de la bataille de Waterloo racontée par un personnage en 1815, puis en 1830, puis en 1850, puis ensuite en 1870, de voir les failles dans le raisonnement, les corrections, les repentir, donc une sorte de critique, une critique des 100 jours par les témoins des 100 jours. Et vous savez quoi, Charles-Éloi Vial, avant qu'il y ait un bicentenaire de la mort de Napoléon, il y a eu un bicentenaire de sa naissance. En 1821, lorsqu'on annonce la mort de Napoléon, celui-ci reparaît sur la scène politique. Et alors, il y a là une explosion de sentimentalité, parfois un peu niaise, qui naît parce que cette mort solitaire de Napoléon sur un îlot rocheux de l'Atlantique a fait impression par le contraste qu'elle offrait entre une fin aussi misérable et l'éclat d'un passé aussi prestigieux. Cela a frappé énormément l'imagination populaire, a redonné vie à une légende qui était en train, peut-être une légende populaire qui s'essoufflait et qui se serait en tout cas essoufflée, et en tout cas a déterminé les romantiques à passer déjà un peu dans le camp bonapartiste, parce que cette mort sur ce rocher, c'était un peu la mort du héros romantique. C'était le héros tel qu'il l'avait rêvé. Quelle mise en abîme! En 1969, bicentenaire de la naissance de Napoléon, Jean Tullard évoquait la mort de Napoléon, dont nous fêtons le bicentenaire cette année. Jean Tullard dans les matinées de France Culture en 1969. Il était déjà loin et il évoquait déjà la fascination pour Napoléon. Pierre Branda, il y a quelque chose d'intéressant sur ces archives napoléoniennes. C'est l'intérêt qu'elles provoquent autour de tous les collectionneurs. Il y a une recherche d'archives napoléoniennes. Est-il possible de dater cet engouement ? Alors, cet engouement est apparu très tôt, en fait, parce que il ne cesse de progresser depuis. On peut même parler d'une flambée des prix autour des archives napoléoniennes, de tout ce qui touche à Napoléon. Je pense que c'est dû essentiellement à l'imaginaire qui entoure Napoléon. Chateaubriand a dit que Napoléon avait réussi à toucher l'imaginaire des peuples. Je pense qu'il a parfaitement raison, c'est que en réalité, quand on achète quelque chose qui tourne autour de Napoléon, on achète une part de rêve, en fait. Car c'est Bonaparte au pont d'Arcole, c'est Bonaparte aux pyramides, c'est Napoléon à la retraite de Russie, etc. Donc si vous avez un document, signé par Napoléon ou pas d'ailleurs, hein, et qui est de cette période, comme ça, est véritablement un témoin historique. En quelque sorte, vous vous appropriez, vous revivez cet instant. C'est pareil pour la bataille de Waterloo. Napoléon a comme ça un imaginaire extraordinaire. Hein. Sainte-Hélène également. Je pense par exemple à ce manuscrit proposé pour 1 million d'euros tout de même, relatant la bataille d'Austerlitz dictée par Napoléon à Sainte-Hélène au grand maréchal Bertrand. Parce que voilà, là on a Sainte-Hélène, on a et donc tout ce que ça implique, hein, ce captif, cet homme sur son rocher, mais évoquant sa gloire, et la plus grande gloire, qui est la bataille d'Austerlitz. Donc tout ça réuni, et puis c'est une part de rêve napoléonien qu'on achète et qu'on s'approprie, en fait, parce que c'est en cela qu'il continue de fasciner et d'impressionner, je pense, hein, parce qu'il y a cette dimension-là qui n'est pas une dimension que l'on peut, si je puis dire, enfermer ou rationaliser. C'est quelque chose qui échappe, et quand c'est l'engouement c'est pareil pour l'art, etc. Parce que comme c'est quelque chose qu'on un peu d'insaisissable, évidemment, les prix s'envolent et il n'y a plus de raison parce que nous ne sommes plus dans le domaine de la raison à ce moment-là. Eh bien, justement, Pierre Branda, vous évoquez ce manuscrit de la bataille d'Austerlitz, donc dicté par Napoléon, général Bertrand à Sainte-Hélène, corrigé de la main de Napoléon, qui est en vente pour 1 million d'euros, prix fixe. Eh bien, écoutez, le cours de l'histoire sur France Culture a eu l'autorisation de la Galerie Raw de enregistrer un extrait de ce document, mais là, c'est complètement gratuit. Il n'y avait pas un officier, pas un général, pas un soldat qui ne fût décidé à vaincre ou à périr. La cavalerie française se montra supérieure et fut parfaitement bien. Les soldats du train méritent les éloges de l'armée. L'artillerie fit un mal épouvantable à l'ennemi. Quand on en rendit compte à l'empereur, il a dit « Ces succès me font plaisir, car je n'oublie pas que c'est dans ce corps que j'ai commencé ma carrière militaire ». Ainsi éclata ce coup de foudre si souvent prédit par l'empereur pour la fin de cette immortelle campagne. Ainsi finit cette journée mémorable, que le soldat se plaît à nommer la journée de l'anniversaire, que d'autres ont appelé la journée des trois empereurs, ce que Napoléon a désigné sous le nom de bataille d'Austerlitz. C'est aux confins de la Hongrie, de la Pologne, de la Silésie, de la Bohême, dans ces champs de la Moravie où aux deux extrémités du monde se trouvaient réunis les sauvages du Kamtchatka et l'habitant du Finistère, que la destinée avait remarqué les termes de cette supériorité de l'infanterie russe, trop longtemps et trop facilement établie. De ce prestige d'une puissance militaire née subitement dans le siècle dernier, de cette influence politique usurpée sur l'Europe et désormais renfermée dans les bornes fixées par l'intérêt du peuple et de la civilisation, c'est là que l'armée française, l'anniversaire du jour où la France reconnaissante avait décerné à Napoléon le diadème impérial, ceignit son auguste front de la couronne de triomphateur. Le manuscrit de la bataille d'Austerlitz, lu par Olivier Martineau, habillé par Somaya Babèche, qui réalise le cours de l'histoire sur France Culture avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger. Somaya a choisi Postongun de RTN, NTM pour illustrer la bataille d'Austerlitz et Napoléon. Justement, Pierre Branda, 1 million d'euros, les prix sont là et il ne faut pas les discuter, hein, ce sont les prix du marché, il y a des gens pour acheter. Y a-t-il une bulle spéculative autour de Napoléon ? Alors, il y a eu à des moments des bulles spéculatives autour de Napoléon. Il y en a eu d'ailleurs avant aussi la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu une flambée autour des, dans les années 30 des enchères. Alors, l'avantage que cela a, c'est que ça fait sortir des archives parce que des familles se disent ou des héritiers, quels qu'ils soient, se disent bien c'est le moment de vendre et donc ainsi apparaissent, sont apparus tout au long de l'histoire des documents importants. Je pense par exemple à la correspondance de Napoléon avec Joséphine, hein, que Masson, l'historien Frédéric Masson, a publié seulement au début du XXe siècle. Nous avons eu aussi et Charles Éloi la connaît bien pour avoir écrit sur Marie-Louise, la correspondance de Napoléon avec Marie-Louise, etc. Nous avons eu comme ça la correspondance aussi, je pense, de Napoléon avec sa sœur Pauline, et qui nous révèle des, comme ça tous des aspects du personnage. Nous sommes à la recherche, et moi particulièrement qui travaille sur Joséphine, des lettres de Joséphine à Napoléon pendant la campagne d'Italie, parce que celles-là, Napoléon les a fait disparaître. Alors peut-être que Joséphine en avait fait quelques copies, mais par exemple, voilà, il reste encore des domaines à explorer, à connaître, et qui, alors ne changeront pas les événements historiques, mais qui préciseront, affineront le personnage. Et on est toujours comme ça, agréablement surpris par des apparitions d'archives qui sont comme ça, parfois miraculeuses, sur lesquels il faut enquêter, réaliser, Jean Tullard a ce joli mot de détective de l'histoire, mais comme ça, avoir une démarche d'historien vis-à-vis de ces documents, bien entendu, mais il y a toujours de belles surprises et je suis sûr que nous en aurons encore. Et puis, sur cette question du coût des archives, Charles-Éloi Vial, conservateur à la Bibliothèque nationale de France, c'est aussi une question patrimoniale, au sens où nos institutions peuvent acheter des documents, des archives, il y a des préemptions d'État, et que c'est une limite aussi pour l'achat et l'acquisition d'archives. Oui, alors bon, la bibliothèque, comme les archives nationales, achètent des documents, peuvent éventuellement préempter, en recevoir bien sûr en don, en dation, et ça permet le plus souvent de compléter certaines collections préexistantes. On sait que c'est plutôt la littérature que l'histoire que la bibliothèque privilégie en ce moment, mais ça, on a pu, il y a quelques années par exemple, faire acheter quelques documents sur l'impératrice Marie-Louise, parce que cela complétait des documents que l'on possédait déjà de manière antérieure, et c'est devenu du coup un fonds de référence, on va dire, en France, sur la question de Marie-Louise et de l'Aiglon. Et puis c'est l'occasion aussi d'envoyer tous les auditeurs et les auditrices sur des sites internet où ces archives sont numérisées. Plaisir gigantesque de Gallica pour la Bibliothèque Nationale de France. Plaisir du site de la Fondation ou de la Fondation Napoléon, bien sûr, avec plein de documents numérisés. Et puis plaisir des archives nationales, parce que là, il y a encore énormément de choses à voir. Merci vivement à vous, Pierre Branda. Je rappelle, Pierre Branda, que vous avez écrit « Napoléon à Sainte-Hélène ». Je dis juste les derniers ouvrages. Et merci à vous, Charles-Éloi Vial. Histoire des 100 jours, mars-novembre 1815. Merci à vous deux. Il est temps de retrouver Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Alors, l'histoire antique serait-elle toxique ? Faut-il se débarrasser de l'Antiquité et du Moyen-Âge ? La question fait débat au Québec autour de la réforme des programmes du cégep, le cursus intermédiaire qui correspondrait dans notre système éducatif à des classes préparatoires aux études supérieures, qu'elles soient professionnelles ou universitaires. Une réforme qui défend l'abandon de l'histoire occidentale d'avant la découverte européenne du continent américain au profit d'une histoire mondiale des siècles plus récents. Autrement dit, remonter moins loin dans le temps, mais élargir la focale de l'histoire transmise. Mathieu Bock-Côté, dans le Journal de Montréal, s'indigne de ce raccourcissement des temps enseignés. Comment comprendre l'histoire de la philosophie, de la démocratie, de la science ou simplement celle de notre conception de l'être humain si nous nous coupons des sources de notre civilisation, de ses textes fondateurs ? Au-delà du débat québécois en Amérique du Nord, la polémique fait rage sur le caractère eurocentré de l'histoire des périodes les plus anciennes, les « classics » dans la dénomination académique anglo-saxonne. Les critiques sont formulées par certains spécialistes de l'Antiquité européenne eux-mêmes, à commencer par Daniel Padilla Peralta, professeur d'histoire romaine au sein de la prestigieuse université de Princeton. Peralta porte un regard acéré sur sa propre discipline, à laquelle il reproche d'être nourri de préjugés de race, d'ailleurs largement instrumentalisé dans le passé par le goût immodéré du fascisme italien et du nazisme allemand pour l'Antiquité gréco-romaine. En réaction, l'historien Raphaël Dohan a signé une tribune, elle aussi indignée, dans les pages du Figaro, sur ces historiens de l'Antiquité qui haïssent l'Antiquité. L'histoire ancienne serait-elle victime de la trahison de ses enfants, tel César poignardé par Brutus ? Il faut dire que Padilla ne modère pas ses propos en incriminant la nécrose de sa période de prédilection et le rôle fondateur de l'Antiquité dans l'établissement et la culture d'une hiérarchie raciale, socle de la suprématie blanche. Il serait allé jusqu'à conclure une de ses conférences en déclarant « J'espère que la matière va mourir et le plus tôt possible ». Une déstabilisation radicale et inattendue d'un champ historique en apparence sans histoire qui retrouve à travers cette controverse un puissant potentiel de subversion. Normand Baillargeon, ancien professeur de sciences de l'éducation et chroniqueur dans le quotidien québécois Le Devoir, tente de retrouver un peu d'équilibre dans cette discussion en rappelant que si des fascistes se sont réclamés des classiques, des esclaves en lutte se sont aussi inspirés de Spartacus. D'autre part, il n'est que juste et souhaitable que notre lecture de l'Antiquité s'enrichisse de préoccupations actuelles et de travaux nouveaux, justement comme ceux de Padilla sur l'esclavage dans l'Empire romain. Reste à se pencher sur les manières dont sont formés les enseignants à ces aires chronologiques et sur l'actualisation des connaissances historiques qui dépassent les interprétations enracinées par les adorateurs de mythes racistes à la mode antique. L'Antiquité, comme les autres périodes de l'histoire, n'est pas réduite à l'immobilité de la connaissance et sa robustesse pourrait très probablement soutenir une introspection salutaire et un débat stimulant pour redynamiser son histoire telle qu'elle se fait et le goût de ces périodes historiques lointaines dans nos sociétés contemporaines. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Demain, bicentenaire de l'école des Chartes, les archives n'ont pas pris une ride. France Culture, l'esprit d'ouverture.